الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهب ما فيه راو لم يسم. Donc le vers numéro 13. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. C'est-à-dire le hadith mu'an'an ou bien la chaîne de transmission al-isnad al-mu'an'an. Je nous dis ka'an sa'idin an karam. Il nous donne deux exemples, c'est-à-dire an sa'id an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Et al-mubham, c'est la chaîne de transmission dans laquelle il y a un narrateur qui n'a pas été nommé. Ma fihi rawin lam yusam. Idhan al-mu'allif rahimahullah dhakara fi hadha al-bayt naw'ayn min anwa' al-hadith. An-naw' al-awwal huwa al-hadith al-mu'an'an. Al-hadith al-mu'an'an. Wa al-mu'an'an huwa naw'un min anwa' al-ahadith من حيث النظر إلى الإسناد فذكر المؤلف رحمه الله يعني بعض الأنواع للحديث المتعلق بالمتكلم كالمرفوع والمقطوع وذكر أنواعا متعلقة بالإسناد و المعنان من هذا النوع. المعنان كما يفهم من اسمه هو الإسناد الذي توجد فيه كلمة عن. ففي بعض الأسانيد تجدون عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه. فإذا وجدتم في إسناد ما كلمة عن فيسمى هذا الإسناد بالمعنعن. لا، مجرد وجود كلمة عن ولو مرة واحدة هذا الإسناد إسناد معنعن. دونك لوتر رحمه الله ينسيت السي une autre sorte parmi les sortes du hadith, il nous dit mu'an'anun. Al-mu'an'an, donc c'est une chose qui se passe dans la chaîne de transmission. Et mu'an'an, c'est pris du mot an'an. Donc vous trouverez plusieurs fois an et an. Donc, dans des chaînes de transmission, vous trouverez par exemple an Salim ibn Abdillah ibn Omar, an Abdillah ibn Omar. Donc à partir du moment où il y a an dans la chaîne de transmission, même si c'est une seule fois, on appelle cela mu'an'an. مثلا نقول عن محمد بن سيرين عن محمد بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة هذا يسمى بالمعنان. وعندما كذلك وله نفس الحكم الإسناد المؤنن. الإسناد المؤنن والذي تجدون فيه كلمة أن مثلا عن محمد بن سعيد أن الزهري قال أن سعيد بن المسيب قال أن أبا هريرة فعل كذا وكذا هذا هو الإسناد المؤنن. Donc également, nous avons l'isnad al-mu'an'an. Donc l'auteur ne l'a pas cité, car al-mu'an'an c'est le plus fréquent. Mais au même statut, nous avons le mot an. Ça prend le même statut que an. Donc si vous avez par exemple dans une chaîne de transmission An Muhammad ibn Sa'id An Zuhriya قال أن سعيد بن المسيب قال أن أبا هريرة ça s'appelle مؤنن et مؤنن. Donc tout, à partir du moment où il y a عن ou أن, l'isnad prend ce statut-là tout entier. Car donc nous allons statuer sur l'isnad ne serait-ce que même par rapport à une partie d'elle. Donc pour qu'une chaîne de transmission soit faible, il ne suffit pas que toute la chaîne de transmission soit faible. Il suffit qu'il y ait une partie qui soit faible et la chaîne tout entière devient alors faible. كيف ولو قال شخص واحد عن يكفي أن يسمى هذا الإسناد معنان هذا سؤالك نعم وكذلك مما له نفس الحكم كلمة قال عن الزهري قال سعيد المسيب قال أبو هريرة مثلا. Donc également pour qui prend le même statut le mot قال. قال الزهري قال سعيد المسيب قال أبو هريرة. Donc pourquoi on a réuni ces trois choses? Car dans les chaînes de transmission vous allez trouver des mots qui sont clairs, qu'il y a eu rencontre et narration du hadith. Et quand il dit le karawin, haddathani fulan. Hada yusamma amni surriha bit tahdith aw sami'tu fulanan. Donc par exemple dans la chaîne de transmission parfois vous trouvez haddathani, c'est-à-dire un tel il m'a rapporté. À ce moment-là, on ne peut pas douter qu'il y a eu rencontre entre les deux. D'accord ? Ou bien lorsqu'il vous dit « Sami'atu, j'ai entendu un tel dire. » Il y a eu rencontre entre les deux. Avec les mots comme « an », avec « an » et « qal », il n'y a pas forcément. Si moi je te dis « l'imam Malik a dit. » Est-ce que moi j'ai rencontré l'imam Malik ? Non. Si moi je te dis « an Abi Huraira », je n'ai pas rencontré Abu Huraira. Mais si je te dis « Haddathani Abu Huraira », ce serait bizarre. « Abu Huraira m'a dit ». Donc là, c'est des mots qui forcément, on comprend qu'il y a eu rencontre entre les deux. « Wakhtalafa l'ulama'u rahimahumullah fi hukmi al-hadith al-mu'anan. Hal wa mahmoulun ala l'ittisali amla. » Donc les savants, ils ont divergé. Lorsque l'on trouve une chaîne de transmission dans laquelle il y a an, donc un narrateur qui dit an fulan, Az-Zuhri qui nous dit an Saïd ibn al-Musayyib, est-ce qu'on considère cela comme lié ou pas, l'ittisal ou bien pas? Si on considère cela muttasil, donc on possède donc une condition parmi les conditions du hadith authentique. Si on considère cela comme une coupure, parce qu'il y a une hypothèse, ce n'est pas clair dans le fait qu'il y ait une rencontre, à ce moment-là, on perd une condition parmi les conditions du hadith authentique. Jumhur al-muhaddithin yahmiluna al-isnad al-mu'anan ala l'ittisali bi shartain. Al-shartu al-awwal an la yakuna al-rawi معروفا بالتدليس وسنشرح ما هو التدليس الشرط الأول أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس والشرط الثاني إمكانية اللقاء يعني أن لا يوجد ما يدل على عدم السماع فاللقاء بين الراويين ممكن الشرط الأول أن لا يكون الراوي معروفا بالتدليس والشرط الثاني إمكانية اللقاء التدليس ما هو؟ التدليس عيب من عيوب الإسناد. التدليس هو أن يأتي راوي له شيوخ سمع منهم، فهو يأتي إلى حديث لم يسمعه من شيخه، فسمعه من شخص آخر عن شيخه، فهو يسقط على الشخص الآخر ويقول عن فلان ويذكر شيخه، وهذا الحديث لم يسمعه منه، هذا يسمى بالتدليس، اللي فيه نوع يعني التمويه وخداع. Donc le hadith mu'anan, les savants ils ont divergé. Est-ce qu'il est considéré comme lié, la chaîne de transmission, est-ce qu'il est considéré comme lié, ou bien est-ce que on considère cela comme une coupure? La majorité des savants considèrent cela comme lié, à deux conditions. La première condition, que le narrateur qui a dit an ne soit pas connu comme faisant ce que l'on appelle et tedlis. Tadlis, on va en parler plus longuement, car l'auteur, rahimahullah, il va nous parler du tadlis dans quelques vers. Au vers 18. Et la deuxième condition est que il n'y ait rien, ou bien que leur rencontre soit possible. Ça aussi, on va expliquer. Donc, à partir du moment où celui qui a dit an n'est pas connu comme être mudallis, et que la rencontre entre les deux narrateurs est possible, la majorité des savants, ils disent qu'on considère cela comme muttasil, c'est-à-dire lié. Et tadlis, c'est lorsque nous avons un narrateur. Donc les narrateurs, ils possèdent des shuyukh de qui ils entendent le hadith. Donc cet élève, il a entendu plusieurs hadiths de plusieurs shuyukh. Et ensuite, il y a un hadith qu'il n'a pas entendu directement de son cheikh, mais qu'il a entendu par un intermédiaire qu'il a entendu de son cheikh. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève cet intermédiaire et il dit an, et il cite son cheikh. Les savants, rahimahumullah, ils ont trouvé at-tadlis justement en réunissant toutes les chaînes de transmission. Ils ont pu savoir qu'il manquait un narrateur. Et également, ils ont pu qualifier certains narrateurs comme mudallisin. Donc à partir du moment où le narrateur n'est pas connu comme faisant cela, et que également leur rencontre est possible. Qu'est-ce qu'on veut dire par une rencontre possible? Par exemple, ils ont vécu à la même époque, ou bien ils ont vécu dans le même pays. Et ni on ne dit pas une personne, et ni il a vécu fi Masar, et là il nous rapporte un hadith min al-Sham, tout en sachant que ni l'un ni l'autre n'est rentré fi Masar ou la fi Sham. Donc il faut que leur rencontre soit possible, Donc il ne faut pas que le narrateur soit connu comme mudallis, et il ne faut pas que leur rencontre soit impossible. لا ليس كذب لو كان كذبا لا سقطت عدالته. C'est juste qu'il a enlevé une personne dans la chaîne de transmission. C'est pas interdit. Il a pas dit samiatu. Il a pas dit que j'ai entendu mon cheikh. Il a dit an cheikh. Walou mutaamidan. Même s'il fait cela mutaamid, il est pas obligé de citer toute la chaîne de transmission. Sinon, même le Bukhari. Bukhari quand il nous dit قال أبو هريرة طيب il a juste dit قال أبو هريرة, il a pas cité de chaîne de transmission ni rien. Là, c'est pas du mensonge. Si c'était du mensonge, j'aurais plus d'adala du tout. Sauf que lui, il a. Parfois, c'est pour résumer la chaîne de transmission. Et parfois, il la cite en résumé. Parfois, à un autre moment, il va la citer avec cet homme, justement. إذن ذكرنا الشرطين وهذا رأي الجمهور وقد حكى الإمام مسلم رحمه الله الإجماع على هذا الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الإسناد المعنعن يحمل على الاتصال بشرطين كذلك أن يكون الراوي أن غير معروف بالتدليس أن الشرط الثاني هو ثبوت اللقاء وثبوت السماع يعني أن يعلم يقينا أن فلان قد سمع من فلان في القول الأول قلنا إمكانية اللقاء فقط الإمام البخاري رحمه الله يشترط ثبوت السمع بين الراويين ولو في حديث واحد الإمام بخاري sa condition pour le hadith al-mu'annan est plus dure que celle de l'imam muslim lui il conseille, la première condition est la même que le narrateur ne soit pas connu comme mudallis la seconde condition tout à l'heure nous avions dit qu'il y ait une possible rencontre ici l'imam Bukhari il donne comme condition il faut qu'une rencontre ait eu lieu entre les deux par exemple nous avons un fulan an fulan on va chercher dans tous les hadiths que l'on peut trouver tous les livres que l'on peut trouver jusqu'à ce que l'on ait qu'un tel et nous dise samiatu j'ai entendu un tel ou bien haddathani ou bien on s'est rencontré il veut l'imam al-Bukhari il donne comme condition qu'il y ait eu rencontre entre les deux narrateurs c'est clair ou pas لا لا لا لا حدثني له معنى وعن له معنى آخر كيف لا لا لا لا إذا قال الإنسان عن يحتمل قد سمع منه أو لم يسمع منه ولكن إذا علمنا أن الإنسان مدلس يعني نحتاط فنشترط هذه الشروط. Donc le mot an, donc il ne faut pas comprendre que an, forcément, il y a une personne qui a été enlevée. An, c'est un mot dont on peut comprendre soit qu'il y a eu rencontre ou pas. Ce n'est pas clair comme haddathani, ce n'est pas clair comme samiatu, mais on peut croire. Si moi je dis Khalil a dit, il se peut que je l'ai entendu d'un quelqu'un d'autre, ou bien qu'il me l'ait dit lui-même. Mais si je dis j'ai entendu Khalil dire, ou bien haddathani Khalil. Et si je dis an Khalil, pareil, il peut me l'avoir dit, donc c'est pour ça qu'on donne ce qu'en condition pour accepter que le rawi lam yakun ma'roufan bitadlis. S'il n'est pas mudallis, il n'y a aucun problème, déjà. S'il n'est pas mudallis et que la rencontre est possible, c'est mahmoul al-ittisal, directement. Le problème est que idha kana ma'roufan bitadlis. Idha kana ma'roufan bitadlis, ma l'amal? Nam nabhath عن تصريح بالسماع مفهوم؟ في نفس الحديث ليس في حديث آخر في نفس الحديث لأني قد أجد حديثا مثلا في سنن أبي داود يقول محمد بن إسحاق عن فلان أو يقول ابن جريج عن هشام بن عروة ابن جريج عن هشام بن عروة وابن جريج معروف بالتدليس Donc je trouve par exemple dans Sunan Abi Daoud Ibn Jurayj. Il nous dit An Hisham Ibn Urwa. Hisham Ibn Urwa c'est son cheikh, il n'y a aucun problème. Sauf que Ibn Jurayj, il est connu pour être mudallis. Il est connu pour être mudallis. On fait quoi ici? Oh non, c'est pas bon les mudallis. On cherche partout le même hadith. On cherche partout le même hadith dans lequel Ibn Jurayj il aurait dit Haddathani ou Samiatu. À ce moment-là, on pourra accepter le hadith. Sinon, il est faible. Sinon, il est faible. Pourquoi il est faible? Car il est possible que Ibn Jurayj ait mis entre lui et son cher Hisham ibn Urwa. Et c'est son cher, il n'y a aucun problème. Il a entendu beaucoup de hadiths de lui. Mais à partir du moment où il est qualifié comme Mudallis, on prend des précautions. Car il se peut qu'il ait mis entre lui et son cher une personne qui peut être faible. Donc on ne sait pas qui c'est. Qui peut être faible, donc on ne sait pas qui c'est. Le même hadith. Ouais. Parce qu'il se peut que, par exemple, Ibn Jurayj nous dit عن هشام بن عروة قال قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم par exemple. Le même hadith tu vas trouver dans le musnad de l'imam Ahmed, le même hadith, le même matin, قال ابن جريج حدثني هشام بن عروة. Parce qu'après les gens qui écrivent le hadith, parfois pour résumer c'est là qu'ils mettent, ils sont pas, parfois ils retransmettent pas les paroles qu'ils ont entendues. Pour résumer, ils mettent an. Ils ne mettent pas à chaque fois « Haddathana » ce que lui a dit les traducteurs. Car beaucoup de muhadithines, parfois, ils rapportaient de mémoire. Parfois, il aurait été difficile d'apprendre les noms de gens de l'isnad, plus comment ils ont entendu, est-ce que c'est « Haddathana », est-ce que c'est « Samiatu », est-ce que c'est « Akhbarana ». Donc souvent, ils mettaient « An ». Mais en réunissant toutes les chaînes de transmission d'un seul et même hadith, on peut savoir les mots qui ont été employés. La سيئة لأن يرد الحديث هو بسبب مثلا إن لم نطلع على يعني طريق فيه التسريح بالسمع فالحديث ضعيف وما وصف بالتدليس إلا للإكثار منه. لأن من المدلسين هناك مراتب للمدلسين. من هو في المرتبة الأولى فالمحدثين يتحملون تدليسه ومنهم من يكثر من التدليس. Donc il y a certains qui sont مدلس. Donc même مدلس, on va le voir dans le vers numéro 18, il y a plusieurs degrés au مدلس. Il y a des مدلسين, les savants, ils ont su sur quel hadith il a fait du تدليس. Donc après toi tu n'as plus à chercher le reste. D'autres qui ont fait cela énormément. Donc il faut toujours faire attention. فمثلا إذا قلنا عن معمر ابن راشد ويروي عن الزهري مثلا معمر يقول عن الزهري معمر تلميذ للزهري من كبار تلامذه ودائما هو يقول حدثنا ولكن هنا قال عن أو وجدنا إسنادا يوجد عن الزهري ماذا نفعل؟ Donc si on trouve une chaîne de transmission, il y a معمر عن الزهري معمر qui est un élève à الزهري. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Cherche quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on commence par faire? La première réflexe. On regarde, est-ce que Ma'amar est Mudallis? On ne commence pas à chercher partout. Si Ma'amar n'est pas Mudallis, Hadith Mahmoul al-Ittisal. Première chose qu'on commence à faire, on commence à voir, est-ce que celui qui a dit An et مدلس. Et ici, معمر n'est pas مدلس. ومعمر يعني علم سمعه من الزهري. Également, tout le monde sait que معمر a entendu le hadith de Zuhri. Donc, dans les deux avis qu'on a cités, c'est محمول الاتصال. Donc, si on prend le premier qui avait dit qu'une rencontre soit possible, ici, on est sûr que la rencontre a eu lieu. Donc, que ce soit sur la vie de Muslim ou bien de Al-Bukhari, le hadith est authentique. وَهُنَا أَنِي تَكْمُنْ أَصَحِيَةُ كِتَابِ الْبُخَارِي عَلَى مُسْلِمِ. Ici réside le fait que, parmi les causes également, donc ce n'est pas la seule cause, que le hadith de Al-Bukhari est plus authentique que le hadith de Muslim. Donc les conditions que s'est imposées Al-Bukhari sont plus élevées que celles de Muslim. Déjà sur les narrateurs, en général, lorsque nous avons un cheikh par exemple qui s'appelle Az-Zuhri, Mohammed ibn Muslim Az-Zuhri, un cheikh comme tout cheikh, il a plusieurs catégories d'élèves. Donc admettons qu'il a 100 élèves. Donc il en a beaucoup plus, mais c'est juste à titre d'exemple. Admettons qu'il a 100 élèves, ils ne vont pas tous être au même niveau. Il y en a qui seront plus assidus que les autres. Il y en a qui maîtriseront plus le hadith de Zuhri que les autres. Il y en a qui vont rester avec lui plusieurs dizaines d'années à écouter son hadith. D'autres qui vont venir, qui vont partir. Donc cela, ça nous permet de classer les élèves suivant des catégories. Donc la première catégorie, la seconde, la troisième. La première catégorie, c'est ceux qui sont restés très très longtemps avec les mêmes Zuhri et qui ont maîtrisé son hadith. Nous avons deuxième catégorie, ceux qui maîtrisent son hadith, mais ils sont restés moins longtemps. Troisième catégorie, par exemple, ceux qui sont restés longtemps, mais qui ont quelques erreurs dans le hadith. Et l'Imam Bukhari, il ne cite que la première catégorie. Parfois, pour appuyer même un hadith, il va citer la seconde. Et l'Imam Muslim, la seconde, on va dire, c'est la base dans son livre. Et parfois même, il cite la troisième. Donc l'Imam Bukhari, son choix des narrateurs, il est beaucoup plus haut. Et en plus de cela, l'Imam Bukhari, pour l'isnad al-Mu'anan, il impose qu'il y ait eu rencontre entre les deux. Le musulman, il se contente de dire, on se contente qu'une rencontre soit possible. Une rencontre soit possible. L'imam muslim, rahimahullah, fi muqaddimati sahihi, radda ala man ishtarata thubut al-liqa. Fi muqaddimati sahih muslim, radda raddan shani'an على من اشترط ثبوت اللقاء للحديث المعنعن وقال أن هذا القول خلاف إجماع المحدثين وأنه قول مخترع مبتدع. الإمام مسلم رحمه الله dans l'introduction de son livre الصحيح, donc avant de citer les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait une introduction à son livre, et dans cette introduction il réfute et répond à ceux qui imposent qu'il y ait une rencontre entre les deux narrateurs. L'imam muslim, rahimahullah, il nous dit, l'ijma', le consensus des muhaddithin, est que on se contente de une possible rencontre. On ne demande pas qu'il y ait une rencontre forcée entre les deux. Et il a dit que cela était donc contraire au consensus. Il a même dit que c'était un avis innové. ومن هنا اختلف العلماء الإمام مسلم رحمه الله يرد على شيخه البخاري وشيخ شيخه علي بن المديني أو يرد على أناس آخرين. Donc ici certains savants ont dit, est-ce que l'imam مسلم رحمه الله il répond à l'imam البخاري qui est connu comme ayant cet avis, et le cheikh et également le professeur de l'imam البخاري علي بن المديني, ou bien est-ce que l'imam مسلم رحمه الله répond à quelqu'un d'autre. Certains ont dit, yani, il répond à l'imam al-Bukhari. Akharun qalu annahu lam yarudda ala al-imam al-Bukhari, lianna al-imam musliman rahimahullah kana yujillu wa yahtarimu shaykhahu, yani ashadda al-ihtiram, kana yaqulu lahu ya ustad al-ustadhin, يعني تعال أقبل رجليك. Donc l'imam Mousseud ont dit qu'il ne répond pas à l'imam Bukhari, car il respectait très très fortement son cheikh. Il a même dit un jour, يعني يا طبيب الإسناد, il l'appelait le médecin de la chaîne de transmission. Il a dit le professeur des professeurs. Il demandait même qu'on le laisse embrasser les pieds de l'imam Bukhari. ومن العلماء من قال أنه ظهر في زمن الإمام مسلم أناس أخذوا بهذه القاعدة أنه يشترط ثبوت اللقاء واستعملوها في رد السنن في تضعيف الأحاديث وفي ردها، كما ذكرناه في يعني تقسيم الحديث إلى متواتر وأحد. في الأصل لا إشكال في هذا التقسيم، يعني حتى تعرف كثرة الطرق، ولكن استعمل المعتزلة هذا التقسيم لرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعتقد. Donc certains savants ont dit que l'imam Bukhari, l'imam Muslim rahimahullah, dans son introduction, il ne répond pas à l'imam Bukhari, mais il répond à des gens qui ont utilisé la même règle que l'imam al-Bukhari pour rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il se peut qu'une personne utilise une règle qui est vraie et utilisée par les gens de science et qui l'utilise justement pour renforcer son innovation et pour rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'avait cité la semaine dernière, pour la division du hadith entre mutawatir et ahad. On avait dit mutawatir, donc c'est le hadith qui a beaucoup de chaînes de transmission, qui permet, qui rend impossible qu'ils se mettent tous d'accord sur un mensonge. Et l'ahad, c'est ce qu'il y a en dessous. On avait dit qu'à la base, il n'y a pas de mal à diviser le hadith de cette manière, du fait que ça permet justement de savoir combien de chaînes de transmission a le hadith. Mais que Al-Mu'tazila et d'autres qui les ont suivis ont utilisé cette division du hadith pour rejeter certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sujet de la croyance. On leur cite un hadith par exemple fi ru'ya ou bien fi shafa'a, ils disent non, c'est un hadith ahad. Ici c'est la même chose. Certains ont utilisé donc l'avis de l'imam Bukhari et de Ali ibn al-Madini pour répondre pour rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà kulli hal. Al-isnad al-mu'anan mahmoul al-ittisal bi shartayn an la yakun ar-rawi ma'rufan bit tadlis wa an yani yumkin al-liqa bayn ar-rawiyin. Donc ce qu'il faut retenir justement, donc c'est que al-mu'anan donc est considéré comme lié donc à deux conditions, que ar-rawi, le narrateur, ne soit pas connu pour être mudallis, et qu'il y ait possibilité de rencontre entre les deux narrateurs. Et le mudallis, on va en parler plus en détail dans le hadith al-mudallis. À ce moment-là, ce sera peut-être un peu plus clair. C'est clair ou pas, non ? Wa fi hukm al-mu'an'an al-mu'an'an wa kadhalika qal. Parce que vous voyez anna et qal, c'est la même chose que al-mu'an'an. C'est la même chose que Al-Mu'anan. Donc, car on a dit que c'est des paroles donc, qui peuvent laisser supposer une éventuelle rencontre ou bien pas. Donc si moi je dis Qal Fulan, il se peut que j'ai entendu ces paroles de quelqu'un d'autre. Si je dis An, pareil. Si je dis Anna, c'est pareil. Contrairement à Haddathani ou à Samiatou. S'il dit Samiatou en parlant de son cheikh alors qu'il est modélé, c'est Adakadib. Ça, c'est du mensonge. Mais s'il dit An, c'est clair ou pas ? Tout à l'heure, on avait dit que le mudallis, qu'est-ce qu'il fait ? Le mudallis, il a un cheikh. Il a entendu de lui beaucoup de hadiths. Ensuite, nous avons un hadith qu'il n'a pas entendu de son cheikh directement. Il l'a entendu par un intermédiaire. Qu'il a entendu de son cheikh ou bien même avec plusieurs intermédiaires. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève l'intermédiaire et il dit « an cheikhi ». D'accord ? S'il avait dit « haddathani cheikhi », ce serait du mensonge. Voilà, c'est ça qu'on a dit. « Mu'an anun » An Saïd et An Karam. Donc lorsqu'il a dit An Saïd et An Karam, c'est des exemples. Saïd, donc c'est un prénom, Karam également. Non. Non. Sauf que, voilà, si toi tu fais souvent ça, souvent ça, souvent ça, les savants vont dire Adam Odellis. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى قسم آخر وهو الحديث المبهم. Donc ici nous passons au hadith al-mubham. Al-mubham عرفه المؤلف رحمه الله بقوله فيه راو لم يسم. يعني في إسناده راو لم يسمى يعني لم يعين ولم يحدد المبهم. Donc l'auteur il nous a donné la définition en disant فيه راو لم يسمى. Donc il y a un narrateur qui n'est pas nommé. C'est-à-dire vous trouverez dans la chaîne de transmission حدثني رجل حدثني رجل من أهل الحجاز حدثني ثقة حدثني رجل لقيته في الحج حدثني رجل سافرت معه. Donc vous trouverez dans la chaîne de transmission un homme m'a dit, j'ai entendu un homme dire, j'ai entendu un homme qui a fait le hajj avec moi, j'ai entendu un homme fiable dire حدثني الثقة. Donc nous ne savons pas qui est cet homme. Donc ça c'est ce que l'on appelle al-mubham. طيب المبهم صحيح أو ضعيف؟ المبهم ça pose un problème pour l'authenticité du hadith ou pas? نعم لأن هذا الرجل لا ندري عنه شيئا هل هو عادل هل هو ضابط. Donc ça pose un problème pour l'authenticité. On avait vu que parmi les, chaînes, les conditions d'authenticité, il faut que la personne soit adl, intègre et dabit, c'est-à-dire il maîtrise le hadith. Et ici on ne sait même pas qui c'est. Haddathani rajul, il peut être fiable ou bien non fiable. Donc ça pose un problème par rapport à la chaîne de transmission. Que ce soit al-sahih ou bien même al-hasan. Donc al-hasan, on avait dit, c'est la même chose que al-sahih, sauf que al-dabt est un peu plus en dessous. Wal-ibham qad yaqa'u fi al-isnadi wa qad yaqa'u fi al-matn. ومن الإبهام ما يؤثر في صحة الحديث. الأصل أنه يؤثر ولكن هناك حالات يعني لا يؤثر الإبهام في صحة الحديث. Donc إبهام parfois vous trouverez dans la chaîne de transmission et parfois dans le texte, dans le hadith lui-même. الإبهام également parfois donc il a un impact sur l'authenticité du hadith et ça c'est la base. Et parfois, il n'y a pas d'impact. L'impact, c'est comme ce qu'on vient de citer, par exemple. En plein milieu de l'isnad, vous trouverez « Hadathani Rajul ». On ne sait pas qui est cet homme. On recherche dans tous les livres, on ne sait pas qui est cet homme. Donc ça, ça pose un problème. L'ibham fi l'isnad allati la yu'athir. Quel ibham, par exemple, n'a aucun impact sur la chaîne de transmission? Naam, ibham al-sahaba. Léan al-sahabata, radiyallahu anhum, kulluhum, ou kulluhum, udul. Si nous avons l'ibham, mais on sait que la personne fait partie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Nafi' Mawla ibn Omar, il nous dit حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. Il nous dit un homme parmi les compagnons m'a dit. Ça n'a aucun impact. Pourquoi? Car les compagnons, radiyallahu anhum, du premier jusqu'au dernier, sont tous fiables. Tous. Les compagnons, radiyallahu anhum, on ne cherche pas est-ce qu'il est adl, est-ce qu'il est dhabit. Non. Allah Azza wa Jal a vanté leur mérite. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui va nous dire hadha thiqa wa hadha hafiz. Allah Azza wa Jal donc a vanté les mérites des compagnons radiyallahu anhum. Donc c'est pour ça que les chaînes de transmission, même lorsque les hadiths sont faibles, c'est jamais à cause des compagnons. Donc si vous avez dans une chaîne de transmission حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ou حدثني رجل من المهاجرين أو من الأنصار. Tout ça, ça ne pose aucun problème. كذلك إذا وجدت مثلا في إسناد حدثني الزهري وغيره. عندنا الزهري يكفي. Par exemple, si vous trouvez dans une chaîne d'option, حدثني الزهري et un autre. طيب, nous avons الزهري qui est suffisant donc pour que cet endroit de la chaîne de transmission soit authentique. Là, mais par exemple, si par exemple, si par exemple, Az-Zuhri, il nous dit, حدثني سعيد المسيب وغيره. J'ai entendu de hadith de Saïd Moussaïb et d'un autre, il n'y a aucun problème car Saïd Moussaïb fait l'affaire. C'est ça qu'on voulait dire. والإبهام المؤثر هو الذي مثلا يكون في وسط الإسناد. الإبهام qui a un impact vraiment, c'est celui qui est en plein milieu de la chaîne de transmission. Donc, juste après les compagnons, jusqu'à l'auteur du livre, l'auteur du début de la chaîne de transmission. الإبهام في المتن. الإبهام في المتن غير مؤثر. ونقصد بالإبهام في المتن هذه الأحاديث تجدون جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني tous les textes où vous voyez un homme est venu au prophète صلى الله عليه وسلم une femme est venue يعني qui sont ces gens là donc on ne sait pas qui sont ces gens là ça n'a aucun impact sur l'authenticité du hadith ça nous permet juste de savoir qui a dit telle chose au prophète صلى الله عليه وسلم ça nous permet également d'attribuer parfois une vertu à quelqu'un. Si le prophète a dit à un homme, par exemple, tu fais partie des gens du paradis ou autre, on sait que c'est à tel homme qu'il a dit cela. Donc il se peut que dans une transmission, vous ayez Qal Nabi Sallam li Rajul, et dans une autre version, vous avez la citation, le nom de cette personne. Et même dans le Coran, Yujad Mubahmet, dans le Coran, Waja'a Rajulun min Aqsa al-Madina, Qal Rajulun, wa Qal Rajulun Mu'minun min Ali Fir'aun. فعززنا بثالث. Tous ces textes-là, donc dans le Coran, on ne sait pas qui sont ces gens-là. Ce qu'on appelle un mubahamat al-Qur'an. Mubahamat al-Qur'an. On a un kitab de l'imam Suyuti, rahimahullah, il s'appelle Mubahamat al-Qur'an. Il cherche et il décrit qui est obhima dans le Coran. Donc l'imam Suyuti, rahimahullah, donc il a un livre qui s'appelle Mubahamat al-Qur'an, dans lequel il cherche justement à nous dire qui sont ces gens qui n'ont pas été cités par leur nom dans le Coran. Le hadith al-Mubham, c'est clair? ثم قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. Donc là, il va passer à une autre sorte de hadith, ou bien de isnad. Al-isnad al-ali, ou al-isnad al-nazil, ou al-hadith al-ali, ou al-hadith al-nazil. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Donc plus, ou bien moins il y a d'hommes dans la chaîne de transmission, plus on appelle cela al-isnad al-ali. Et l'inverse, c'est-à-dire plus il y a d'hommes dans la chaîne de transmission, plus on appelle cela nazil. فمثلا عندنا إسنادان لحديث واحد نفس الحديث في الإسناد الأول عندنا عشرة رواة وفي الإسناد الثاني عندنا اثنا عشر راويا أيهما العالي عشرة اثنا عشر الأول هو العالي كلما قل تجاره على. Donc ici, nous avons le hadith al-ali ou bien l'isnad al-ali. Et l'inverse, c'est un nazil. Donc plus il y a d'hommes dans la chaîne de transmission, plus on appelle ça nazil. Et moins il y a d'hommes dans la chaîne de transmission, plus on appelle ça ali. Donc admettons, nous avons une chaîne de transmission d'un même hadith. Et l'un des deux, par exemple, il y a 10 personnes entre l'auteur et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre, il y a 12. Le premier sera considéré comme Ali et le second sera considéré comme Nazil. Wa al-hukmu 'ala al-isnad bi al-'ulu wa al-nuzul yakunu da'iman bil muqaranati bayna isnadayn. Donc le fait de qualifier une chaîne de transmission comme Ali ou bien Nazil, il faut forcément qu'il y ait une comparaison. Tu ne peux pas dire tel isnad Ali si tu ne l'as pas comparé à une autre. Comment tu peux dire qu'il y a plus ou moins s'il n'y a pas une deuxième chaîne de transmission dans laquelle il y a donc un nombre inférieur ou bien supérieur? Tu ne peux pas ramener un isnad comme ça en disant Ada isnad Ali. Tu fais isnad Ali par rapport à quoi? Il faut forcément qu'il y ait une autre où il y a plus de narrateurs. Non. والإسناد العالي قسمان. القسم الأول باعتبار قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالإسناد العالي المطلق. يعني باعتبار القرب والبعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc العالي النازل، il y a deux sortes. Donc la première sorte c'est en fonction de la proximité et de l'éloignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que l'on appelle al-isnad al-ali al-mutlaq. Al-isnad al-ali al-mutlaq. À la sabil mithal, fi al-kutub sitta, tajidouna ahadith tusamma bi al-thulathiyat. Tusamma bi al-thulathiyat. والحديث الثلاثي والإسناد الثلاثي والذي يكون بين صاحب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط. Donc nous avons par exemple dans les kutub sita, Bukhari, Muslim, ou bien dans les kutub sita à la hal, des asanid que l'on appelle thulathiyat. C'est-à-dire qu'il y a entre l'auteur du livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois hommes seulement. Trois hommes. C'est pour ça qu'on appelle ça thulathiyat, au-dessus ruba'iyat, au-dessus khumasiyat. L'imam Bukhari, rahimahullah, par exemple, il a 22 hadiths, 22 thulathiyat dans son livre As-Sahih. Donc il cite des hadiths 22 hadiths dans lesquels il y a donc trois personnes entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend un autre livre, on trouve le même hadith parmi ces 22 avec 5. Isnad al-Bukhari Ali wa thani nazil. C'est clair? Al-Imam Ahmad rahimahullah kadhalika lahu thulathiyat kathira. 32 wa 300. Hein? 300. L'imam Ahmed rahmahullah, il a encore plus que le Bukhari. 332 hadith thulathiyah. C'est pourquoi il a plus que le Bukhari? Même dans le temps, il est plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Bukhari. Le Bukhari, il est décédé en 256, l'imam Ahmed est décédé en 241. L'imam Ahmed, c'est le cheikh de l'imam Bukhari. D'accord? Donc c'est logique qu'il a dans son livre plus de thulathiyat. Et plus on s'éloigne dans le temps, plus c'est difficile. Car plus tu t'éloignes dans le temps, plus tu as besoin d'intermédiaires pour arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa fi muslim yani isnad thulathi wala 'inda abi daoud fi at-tirmidhi hadith wahid laysa 'inda an-nasa'i isnad thulathi wa fi ibn majah خمسة أحاديث كلها ضعيفة الثلاثيات. Donc Muslim, il n'y a pas de Thulathiyat, ni Abi Daoud, Tirmidhi, un seul. An-Nasa'i, il n'y en a pas. Ibn Majah, il y en a cinq qui sont toutes faibles. Donc ça, c'est que l'on a... Les narrateurs doivent essayer d'avoir l'isnad de l'Ali. Car moins il y a d'hommes dans la chaîne de transmission, plus ça évite les erreurs. Car donc vu, si on sait que pour l'authenticité d'un hadith, donc on regarde chaque narrateur, comment est-il, est-il fiable, maîtrise-t-il le hadith, comment est-il rapporté, est-il modéliste, moins on en a, plus ça évite ce type de recherche. القسم الثاني هو العلو بالنسبة إلى إمام أو مصنف. Donc la deuxième sorte de علو ou نزول, ce n'est pas par rapport à la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'éloignement, mais la proximité ou l'éloignement d'un imam parmi l'a'imma. فمثلا الإمام الباقي الإمام الباقي رحمه الله متوفى سنة 58 و400. Donc الإمام الباقي donc décédé en 458 de l'Égypte. Parfois il cite des hadiths dans la chaîne de transmission, il y a l'imam al-Bukhari. Et parfois il va citer une chaîne de transmission, il y aura trois personnes entre lui et l'imam al-Bukhari. Ensuite, il va citer le même hadith et il y aura quatre. Donc, un sera considéré comme Ali et ensuite l'autre Nazil. Donc, mais ici, ce n'est pas mutlaq. Ce n'est pas par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus par rapport à un imam parmi les imams. C'est clair ou pas ? قرب من إمام. أنت الآن تبحث في هذا الزمن مثلا عن إسناد لصحيح البخاري, فتبحث قد تذهب عن الشيخ بينه وبين الإمام البخاري مثلا 15 رجلا مثلا, تذهب من الشيخ آخر في الهند طيب بينه وبين البخاري أقل, فهذا عالي في الهند وهذا نازل. Voilà, c'est pas par rapport au prophète صلى الله عليه وسلم, c'est plus par rapport à un imam. Donc admettons, je recherche une isnad de Sahih al-Bukhari. Je voudrais avoir la chaîne de transmission de Sahih al-Bukhari. طيب, je vais à Mecca. Je rencontre une personne, entre moi et l'imam Bukhari, il y a par exemple 15 personnes à titre d'exemple. Ensuite, j'apprends que fil hind, un autre, il y en a 13 entre lui et l'imam Bukhari. Et dan hada Ali wa hada Nazil. C'est pas par rapport à la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à la proximité d'un imam. فقال وضده ذاك الذي قد نزل. فالنزول هو ضد العلو. فعندنا النزول المطلق والنزول النسبي. Donc comme l'autre, nous avons al-nuzul al-mutlaq ou al-nuzul al-nisbi. Wa al-isnad al-ali an la yufid an al-haditha sahih. Wa kadhalika al-nuzul la yufid an al-haditha da'if. Donc al-nuzul et al-ulu ne veulent pas dire que le hadith est faible ou authentique. Il se peut qu'on ait un hadith ali faible et un hadith nazil qui soit authentique. C'est seulement par rapport au nombre de narrateurs qu'il y a dans la chaîne de transmission. Wa in kana ani al hadith al ali kama qulna ani aqrab ila as-sihha, yani kullama qallat aw qalla ar-ruwah kullama ani ba'uda ihtimal al khata. Et même si le ulu, quand même, c'est plus proche de l'authenticité, car moins il y a de narrateurs, plus on évite une éventuelle erreur dans le hadith. وكان المحدثون رحمهم الله يهتمون بالإسناد العالي. يقول الإمام أحمد رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف. الإمام أحمد رحمه الله il nous dit que les muhaddithin ils recherchaient l'isnad al-ali. C'est-à-dire que si il entendait un hadith de quelqu'un, par exemple, yani Islam, il me dit, j'ai entendu de Khalil. Et moi, je sais que Khalil est né, il est encore vivant. Je me rendais vers Khalil pour chercher le même hadith, pour pouvoir justement avoir une chaîne de transmission plus haute. Surtout lorsque Cheikh ou Cheikhi, il est encore vivant. Surtout lorsqu'il est encore vivant, la plupart des muhadithin, donc ils recherchaient l'isnad al-ali. Il nous dit, talabul isnad al-ali, la recherche de l'isnad al-ali, sunnatun al-man salaf. C'était une habitude parmi ceux qui nous ont précédés. Warouya an Ali ibn al-Madini wa Abi Amr al-Mustamli al-Naysaburi rahimahumullah, annahuma qala al-isnad al-nazil shu'mun. Donc Ali ibn Madini, qui est le cheikh de l'imam Bukhari, et Abu Amr al-Mustamli, al-Naysaburi, il disait que al-isnad al-nazil shu'mun. Donc la chaîne de transmission al-nazil, donc c'est un malheur, shu'm. Yahya ibn Ma'in, il disait al-isnad al-nazil qurhatun fil wajh. Il nous dit al-isnad al-nazil, c'est comme une blessure au visage. Donc ils n'aimaient pas avoir un hadith avec une chaîne de transmission nazil, alors qu'il y avait moyen d'avoir le même hadith avec une chaîne de transmission dans laquelle il y aurait moins de narrateurs. ويحيى بن معين كان في مرض موته فقالوا له ما تتمنى يعني ماذا تتمنى ولو شاء لقال الفردوس الأعلى ولكنه قال إسناد عال وبيت خال. يحيى بن معين, donc à la fin de sa vie, on lui a dit, donc lorsqu'il était malade juste avant de mourir, on lui a dit, que désires-tu maintenant? Donc en attendant qu'il dise yani atamanna al-firdaws, j'aimerais le paradis, les plus hauts degrés du paradis, il a dit yani إسناد عال وبيت خال. Donc j'aimerais bien une chaîne de transmission عال et une maison vide. C'est clair, le Ali al-Nazil. Et non. Hatta fi l'asanid il al-kutub, ou hatta fi l'asanid fi l'ijazat al-qur'aniya. يعني يستعمل يعني إذا كان إنسان يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد من أشخاص وتجد شيخا آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجال أقل هذا عالي وهذا نازل. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد.